Bonjour Marie-Hélène, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Devant un parterre de chercheurs, le ministère des Affaires étrangères fêtait voici peu les 70 ans de la commission des fouilles archéologiques. Cet apax diplomatique, né en 1945, sous l'impulsion du général de Gaulle, remerciant les archéologues français à l'étranger de leur engagement précoce dans la résistance. Depuis cette date, l'ensemble de la recherche archéologique française de par le monde est géré par ce ministère. Étonnant instrument de diplomatie, 160 missions archéologiques et 27 instituts œuvrent aujourd'hui sur 4 continents à la découverte du patrimoine de l'humanité. Disons-le tout de suite, les terrains sont souvent difficiles. Kurdistan irakien, frange du Sahel, désert du Taklamakan, Aléoutienne ou Yémen. Parmi eux, l'Afghanistan est emblématique, puisque les archéologues y ont toujours œuvré au travers de sa délégation française basée à Kaboul. Julio Bendezu Sarmiento, bonjour. Bonjour Vincent. Chargé de recherche au CNRS, proto-historien et archéo-anthropologue, vous êtes depuis 2014 le jeune directeur de cette délégation archéologique française en Afghanistan. La DAFA est juste de passage en France. Julio Bendezu, l'Afghanistan est-il un front pionnier de l'archéologie comme de la diplomatie ? Bien entendu, la délégation archéologique française en Afghanistan a été créé il y a pratiquement 100 ans, en fait, en 1922, pour tout d'abord faire de la diplomatie, mais surtout pour faire de l'archéologie dans ce vaste pays très intéressé et très intéressant à l'époque pour le gouvernement français. 1922, début donc de cette délégation, et un accord avec le roi d'Afghanistan. L'archéologie est gérée par la France ? Le roi Amanullah était en fait quelqu'un de très francophile. Ses proches et sa famille, en fait, faisaient des études en France déjà à l'époque. Et puis, le roi étant aussi très politique, en sortant de la guerre avec les Anglais, il ne voulait pas, en fait, d'une influence ni russe ni anglaise. En fait, il s'est tourné vers la France, qui avait déjà, en fait, un vaste exemple diplomatique et culturel, aussi bien dans la Perse, avec la création de ce qui deviendra après le FAO dans la région. Alors aujourd'hui, pour Ashraf Ghani, l'actuel président afghan, l'archéologie serait un outil pour dépasser les clivages religieux mais aussi ethniques ? Oui, effectivement, on a la chance, plus que Karzai, en fait, l'ancien président, après la réouverture de pays en 2001, en fait, Monsieur Ashraf Ghani est quelqu'un qui s'intéresse énormément au patrimoine. Il suit les affaires historiques, archéologiques directement, en fait. Je pense qu'on a une chance incroyable. Durant ma direction, donc depuis 2014, j'ai eu la chance, en fait, de le rencontrer à 5 reprises, dans des réunions assez réduites, en fait, avec les différents partenaires de l'archéologie et de la culture en Afghanistan, donc UNESCO, Aga Khan, etc. Il a été effectivement quelqu'un qui parle énormément de tout ce qui est important pour l'Afghanistan, pour la récréation de la nation, en fait, parce que Il faudrait le dire, effectivement, l'Afghanistan est composé de pas mal d'ethnies, en fait, si on peut le dire ainsi aujourd'hui. Et il voudrait reconstituer, justement, une nation qui n'existe pas, en fait. Et donc, à travers la culture, à travers les anciennes civilisations, il y voit un chemin, en fait, important, d'où son investissement personnel sur tous les travaux archéologiques et sur la DAFA, parce qu'en fait, effectivement, il nous suit et il nous appelle assez souvent pour pouvoir leur présenter les avancées de nos recherches. Écrire donc le récit national, en quelque sorte. Et ce récit national peut être contre aussi le phénomène tribal, qui est très important en Afghanistan. Bien entendu. Mais le phénomène tribal, en fait, est quelque chose qu'il voudrait lui-même effacer. Parce que c'est justement l'une, voire le problème principal de cet Afghanistan actuel. Donc il y voit, comme il l'a dit lui-même, là je le cite plus ou moins, en fait, dans toutes ces civilisations anciennes, où l'Afghanistan a été en fait un carrefour quelque part de civilisation avec le passage massif et l'installation des grandes civilisations depuis au moins en fait l'âge du bronze, justement avec des villes de la dite civilisation de l'Oxus, un endroit où des peuples différents se sont installés jusqu'aux périodes médiévales, donc les périodes même actuelles en fait, où les gens ont cohabité ensemble sans aucun problème. Donc cette cohabitation, il voudrait la revoir un jour arriver encore en Afghanistan. Peut-on vivre et travailler à Kaboul aujourd'hui ? J'y reviens, je suis en Afghanistan depuis 2013 maintenant, donc bien entendu, on peut y vivre avec certaines nuances sécuritaires, parce que le pays est difficile. Mon habitable, je dirais, j'inviterai pas tout le monde à venir en vacances, mais pour travailler, effectivement, on peut. La DAFA actuellement travaille sur différents fronts, en fait, aussi bien à Kaboul que à travers le pays. Vous êtes dans une sorte de zone verte, hein, comme à Bagdad ? Pas la DAFA, pas du tout, en fait. Nous sommes pas loin d'une zone verte, en fait, effectivement, mais nous sommes dans une zone qui est plutôt, effectivement, sécurisée, parce que nous sommes à peu près 500 mètres du palais présidentiel, en fait, à vol d'oiseau, je dirais. Mais la zone n'est pas complètement fermée, non. Et l'ensemble du territoire est-il ouvert ? Et dans quelles conditions sécuritaires peut-on s'y rendre ? Il y a des zones, par exemple le sud, c'est très difficile. Oui, oui, il y a des zones qui sont complètement interdites. Kandahar, j'inviterai pas, en fait, je m'aviserai pas d'y aller, en fait, bien que dans toute la zone sud, en fait, on connaisse pas mal de sites archéologiques très importants, en fait, pour l'archéologie proto-historique. La zone de Ghazni est aussi interdite. Certaines restent plus ou moins accessibles, comme Shebergam, dans le nord, en fait, le Kunduz, bien que occupé et pas occupé par les talibans, ce qu'on entend d'ailleurs dans les nouvelles assez souvent. Mais il reste des zones, en fait, complètement ouvertes, où on peut travailler, comme Kaboul même, en fait, comme la province de Bamiyan, comme la province d'Herat, et dans le nord, en fait, quelque chose qui nous est très important, en tout cas pour dans l'histoire de la DAFA, bah, Mazar-i-Sharif et toute la zone frontalière avec toute l'Asie centrale. Les soldats américains et français sont bien sûr partis d'Afghanistan. Les premiers arrivés étaient les archéologues. Ce seraient, en cas de crise, les derniers à partir ? Sans aucun doute, en fait. La délégation archéologique française en Afghanistan est un fleuron, en fait, de la diplomatie. On en a fait depuis le début. On en fait encore, en fait, depuis la réouverture en 2002. Nous sommes très liés, en fait, au gouvernement afghan, à l'administration. Nous faisons partie un peu, quelque part, des conseillers du ministère de la Culture, des ministères des Mines, des ministères de l'Aménagement, en fait. Donc, je pense qu'effectivement, on serait sans doute les derniers, voire on partirait pas, en fait, parce que quelque part, on est en fait admis à y rester. L'invasion russe, puis les talibans, l'intervention américaine enfin. On se souvient du dynamitage des sculptures de Bamiyan. Toutefois, quelles furent les conséquences de ces années terribles sur le patrimoine afghan ? En fait, la destruction des Bouddhas a été quelque part la fin d'une étape destructive dans ce pays. Malheureusement, et je dis bien malheureusement, en fait, le pillage des sites a été systématique depuis très très longtemps, en fait. Les années 60, 70, certains voyageurs, d'ailleurs, tous ceux qui sont passés en Afghanistan dans ces années-là, et tous ceux qui ont travaillé à la DAFA racontent très bien, d'ailleurs, tous les objets qu'on trouvait dans le marché au bazar, en fait, à Kaboul. Cette destruction due par les pillages a été systématique, voire systématisée, je dirais, grâce aussi, en fait, grâce ou à cause, je dirais, de tout ce trafic qui a été mis en place à travers le Pakistan, des ventes en Europe qu'on connaît très bien, des raisons qu'on connaît mais qu'on peut pas détruire, dans tous les cas dans ces années-là. Et puis, il faut pas oublier que pendant la période talibane, en fait, et bien avant, pendant la guerre civile, en fait, des années 80, le musée occupé par un commandant Hazara a été systématiquement pillé. C'est-à-dire qu'on a fait des commandes, spécialement, en fait, sur certaines pièces qui ont disparu à cette époque. Donc on venait chercher ces pièces sous commande. Suite à cela, à une restructuration à l'époque talibane, si on peut dire ça, bah, les talibans eux-mêmes ont détruit en fait tout ce qui était image, sont venus en fait complètement massacrer le musée à un moment donné et lui donner quelque part le coup de grâce. Le coup de grâce qui a été donné, justement pour revenir au point de départ et à la question du départ, avec la destruction des deux Bouddhas à Bamiyan. Justement, à propos du musée de Kaboul, on se souvient de ce verre absolument extraordinaire qui représentait le phare d'Alexandrie. Où est-il aujourd'hui? On le dit au Pakistan? Il paraît que c'est au Pakistan, effectivement. Il paraît que certains militaires pakistanais, qui sont toujours plus ou moins en place, seraient les heureux propriétaires aujourd'hui. Difficile à dire, en fait. Difficile à dire parce que beaucoup de choses sont parties, paraît-il, aux États-Unis, au Japon, en Corée, et en Europe et en Angleterre. Vous essayez de recoller un peu tous ces morceaux dans ce musée qui, si l'on veut réécrire un récit national, c'est quand même l'outil essentiel. Il existe pour les Afghans. Oui, effectivement, il existe une liste, en fait, la liste du patrimoine volé établie par l'UNESCO. Cette pièce-là doit y être, en principe, mais tout le monde le sait, c'est très difficile de récupérer une pièce qui a été volée, notamment quand le temps passe, en fait. Parce que finalement, si c'est pas vendu à un autre musée, si c'est dans une collection privée, bah, on est là, on peut attendre à l'infini. Les périodes anciennes sont encore peu connues dans cette contrée. Je pense par exemple à l'âge du bronze, qui n'est quasiment que connu par les pillages. Ouais, c'est une période qui m'intéresse énormément. En fait, j'ai effectivement beaucoup travaillé sur ces périodes en Asie centrale et maintenant en Afghanistan. Beaucoup de sites ont été pillés, effectivement. Comme je le disais tout à l'heure, les objets qu'on retrouvait et qu'on retrouve encore quelque part en fait au marché de Kaboul sont des objets qui datent de cette période-là en fait, donc de l'âge du bronze. Mais il faut pas oublier que c'est grâce en fait aux travaux des archéologues soviétiques de l'époque, donc archéologues des grandes missions en Asie centrale. Et en Afghanistan, en fait, la mission soviéto-afghane qui a travaillé avec des grands personnages restés dans l'histoire de l'archéologie mondiale, je dirais aujourd'hui, comme Kruglikova, comme Pugachenkova et Viktor Salianid, ont beaucoup travaillé effectivement sur des sites du nord de l'Afghanistan, notamment à Dashli. Et Salianid, on avait fait en fait à l'époque, dans les années 70, sa thèse d'État sur l'âge du bronze en Afghanistan. Donc c'est connu. C'est pas assez connu parce qu'en fait, on n'arrive jamais à. D'ailleurs, c'est des questions qui. Beaucoup de questions scientifiques restent en fait à trouver solution. Mais ça a été un travail pionnier dans tous les cas de ce personnage, Viktor Salianidi, qui reste effectivement dans l'histoire de l'archéologie soviétique et mondiale aujourd'hui. Il faut citer, c'est d'ailleurs la seule référence que j'ai, le site aussi de Chortugaï, une sorte de comptoir de la civilisation de l'Indus, donc du Pakistan et de l'Inde, implanté en Afghanistan et fouillé bien sûr par la France. Oui, effectivement, bah, nous savons en fait, si on peut diviser en deux parties géographiques, bien que le pays est très montagneux, hein, l'Afghanistan, nous avons toutes les cultures qui se retrouvent au nord de l'Indo-Kouche, donc une montagne qui traverse toute l'Afghanistan, et le sud de l'Indo-Kouche. Au nord de l'Indo-Kouche, donc toutes ces cultures liées aujourd'hui à la civilisation de l'Oxus, non données par... le professeur Henri-Paul Frontefort, en fait, qui est d'ailleurs, je reviens sur Henri-Paul Frontefort, car c'est le découvreur et le fouilleur de Chortugaï. Chortugaï, comptoir arapéen, en fait, très connu, donc d'ailleurs. Civilisation de l'Indus, donc. Voilà, civilisation de l'Indus, donc partie sud, influence sud, je dirais, de l'Afghanistan actuel, c'est resté et c'est toujours une référence, effectivement, sur ces avancées, ces populations et leur contact avec les gens du Nord, je dirais, l'Asie centrale méridionale, la Bactriane ancienne et la civilisation de l'Indus. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Julio Bendezu, puisque nous parlions tout à l'heure de résistance, saluons la mémoire de Joseph Akin, directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan, la DAFA, archéologue de la Croisière jaune, délégué de la France libre en Inde, compagnon de la libération, et mort avec son épouse dans un naufrage au Féroé. Personnage incroyable. Personnage haut en couleur, en fait. Joseph Akin est resté dans les mémoires des Afghans, de toutes conditions sociales, je peux me permettre, donc des plus pauvres à la royauté de l'époque, comme un personnage très influent, très intéressant et très aimé, en fait. Il est arrivé assez tôt en Afghanistan. Joseph Akin, dès 23, en fait, il se lance sur des fouilles à Bamiyan. À la suite, dans les années 30, effectivement, avec sa femme Ria Akin, Maria en fait Parmentier, donc est devenue Ria Akin, sur les fouilles de Bagram et d'autres trésors en fait qu'il va découvrir tout au long de sa carrière et de ses travaux en Afghanistan. Héros de guerre, parce que très tôt, en fait, dès les premières années d'occupation de la France, en fait... 6 juillet 1940. Effectivement, en fait, il contacte la France libre, il rejoint Charles de Gaulle, et effectivement, c'est lors d'un commandement du général qu'il va perdre la vie, en fait, en essayant de retrouver son poste. Joseph Akin est le découvreur des fameux ivoires de la ville antique de Bégram, qui sont des chefs-d'œuvre de l'art afghan. Bien entendu, c'est des chefs-d'œuvre de l'art afghan qui peuvent aujourd'hui être un peu admirés encore au musée Guimet, grâce quelque part à cette convention qu'on avait établie en 1922 et qui permettait à la France de garder une partie, voire la moitié en principe, des découvertes effectuées par les fouilles sur le territoire afghan. C'est-à-dire que la moitié était en Afghanistan et a depuis été pillée, et 50%, voire une partie, est arrivée au musée Guimet et est toujours visible dans le 16e arrondissement. Voilà, en fait, pour l'anecdote, effectivement, 50%, mais 50% assez difficile à partager, donc en sachant que tous les objets précieux, restaient en Afghanistan et ne pouvaient être vendus par l'État afghan à l'époque. Et bien entendu, il y avait une clause spéciale dans la convention de 1922 qui indiquait que la première proposition pouvait être faite effectivement à la DAFA et à la France. Ce site de Bégram aurait beaucoup souffert. Une base russe y aurait été implantée durant la guerre, du moins c'est ce que j'ai cru entendre. C'est un endroit stratégique de passage, donc dans la Capissa actuelle, et effectivement la base russe étant implantée à l'époque de la guerre. En fait, aujourd'hui, c'est la base américaine qui subsiste. C'est d'ailleurs la base principale militaire installée en Afghanistan. Pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, je rappelle que nous évoquons les travaux entrepris par la France en Afghanistan avec Julio Bendezu Sarmiento, directeur de la délégation archéologique française basée à Kaboul. Un gisement de cuivre afghan s'avère être la deuxième ressource mondiale en cuivre. Elle est aussi un véritable enjeu pour les Afghans sur l'aspect patrimonial. Oui, vous voulez parler de Messeinak. Messeinak, effectivement, dans le Logar, est un site qui s'est avéré être très important archéologiquement, en fait, parce qu'au début, avec quelques sondages, on avait effectivement pu constater que le site avait été occupé au moins à la période Kushane. C'est-à-dire autour de notre ère, en fait, voire un peu plus tardivement, parce que l'occupation telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça va du premier avant Jésus-Christ jusqu'au moins le 7e, 8e siècle après. C'est important, car effectivement, il y a eu un contrat passé avec une compagnie chinoise, en fait, le monopole de l'extraction. Qui avait le monopole de l'extraction et qui devait, en fait, construire tout un réseau, en fait, aussi bien de transport et tout ça pour le minerai, et qui n'a jamais été réalisé. N'a jamais été réalisé pour le moment, car effectivement, entre la signature en 2008... et les débuts des travaux archéologiques en 2009, les travaux continuent à être en fait en cours aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? En fait, c'est assez complexe. On s'est rendu compte que l'exploitation, mis à part les galeries minières des zones où le minerai a fleuré, on a quand même travaillé pas mal des galeries très très très profondes qui étaient contrôlées par un centre en fait administratif très important. Gardé par des remparts et pas mal, effectivement, des monastères bouddhiques se placer tout autour de cette mine, en fait. Donc, ça devient intéressant, tout simplement, parce qu'on voit, quelque part, d'ailleurs, c'est une des hypothèses évoquées depuis très longtemps par les archéologues qui ont pu travailler, notamment Philippe Marquis, que je salue ici, ancien directeur de la DAFA. Donc on voit ces moines, sans doute, peut-être, effectivement, exploiter ces minerais, en fait, à un moment donné où, en principe, il devait s'occuper que de la religion. Alors, chose très importante aussi, en fait, qu'on a découvert récemment, c'est que tous ces remparts et les tours de remparts qui devraient, en fait, regarder vers l'extérieur, donc un système défensif, on les voit, se poser vers l'intérieur, en fait. Donc, ce qui suppose ou fait croire certains archéologues actuellement que, en fait, c'était pour surveiller, peut-être, des esclaves qui travaillaient la mine. Ou du moins, l'exploitation de la mine. Vous avez de la statuaire bouddhique ? Énormément, énormément. C'est ça qui fait toute la richesse, en fait, de ce site. Malheureusement, qui a été aussi pillé, d'ailleurs, en fait, bien avant l'arrivée dans nos équipes archéologiques et de l'Institut d'archéologie d'Afghanistan. Nous avons des statues de toutes sortes, en fait, des bodhisattvas, des bouddhas, des bienfaiteurs, des peintures murales, des stupas, etc. En fait, non, c'est un site très, très, très complexe et très riche, d'où toute la difficulté actuelle, en fait, de savoir jusqu'à quel point cela peut être détruit pour pouvoir travailler les mines et, effectivement, apporter un gain financier au pays qui en a énormément besoin. Donc c'est un enjeu économique, c'est aussi un enjeu patrimonial. C'est peut-être pour ça que vous revenez de Chine ? Oui, effectivement, j'étais en Chine pour une réunion avec des autorités chinoises qui sont énormément en fait intéressées à travailler sur les Bouddhas actuellement. Donc c'est un réveil un peu tardif, mais qui se met en place et avec les financements conséquents, en fait. Donc c'est très important, effectivement, cette réunion que j'ai eue en Chine à l'Université de Pékin. Donc une sorte d'archéologie de sauvetage, si ce n'est une archéologie préventive. On se souvient des fouilles d'Aïranoum, de la présence grecque en Afghanistan, de l'extraordinaire découverte d'un texte de Platon. L'Afghanistan, c'est aussi celle d'Alexandre, Alexandre le Grand. Oui, oui, bien entendu. On peut pas. Ça fait partie du mythe, en fait, de toute cette zone, de tout ce territoire afghan. En fait, on se rappellera que Alexandre va effectivement rentrer dans ce territoire et va le conquérir, va épouser Roxana, à Bactre, va s'adapter un petit peu aux coutumes locales. Donc effectivement, et surtout, en fait, après sa mort, bah, le territoire sera morcelé, mais occupé effectivement par ces Grecs, en fait, qui resteront pendant longtemps. Pendant longtemps, justement, les archéologues ont tenté de trouver des traces de l'hellénisme à Bactre. Ils ne l'ont trouvé qu'il n'y a pas si longtemps. Oui, effectivement, ça a été, je dirais, quelque part, une grande tristesse et un raté pour Alfred Fouché, qui a été le premier directeur de la DAFA à l'époque, puisqu'en fait, lui, indianiste, voulait travailler sur l'art du Gandhara. D'ailleurs, dans les écrits qu'il nous a laissés, dans les lettres qu'il a échangées avec le ministère à l'époque, puisqu'en fait, effectivement, il essayait de mettre en place cette diplomatie, étant lui-même représentant diplomatique bien avant les périodes diplomates, hein, donc dès 1922. Bah, il est parti contraint, quelque part, en fait, à Bactre, fouiller des choses qu'il connaissait très mal et dont il voyait pas l'intérêt au départ, dans tous les cas. Alors effectivement, quand on va à Bactre aujourd'hui et qu'on essaye de retrouver les endroits où il a pu fouiller, on constate qu'effectivement il n'avait pas vraiment cet œil d'archéologue, en fait, parce qu'il a tapé là où il fallait pas. Et ça arrive. Et en fait, il a traversé des couches plutôt historiques, très historiques, tardives quelque part, en fait, sans retrouver cette archéologie gréco-bactrienne qu'il tentait de trouver. Et il a parlé, terminé par dire qu'effectivement tout cela n'était qu'un mirage. Vous l'avez trouvé, cet hellénisme ? Pas moi personnellement, mais effectivement, en fait, la découverte d'Aïkhanoun dans les années 60 a été justement un peu la revanche, la mise en place, en fait, du concret de cette occupation grecque en Asie centrale, en fait. Donc Paul Bernard a pu travailler pendant plus d'une décennie sur ce site et publier pas mal des choses, en fait, et montrer qu'effectivement cette élite était bien présente, bien ancrée en Asie centrale. On sait que c'est à Bactre, donc, qu'Alexandre épouse Roxane, la fille d'un roi de Sogdiane. Est-ce que vous en avez retrouvé les traces, donc, de cette Grèce en Sogdiane ? En Bactriane, même. Oui, en Bactriane plutôt. Oui, effectivement, les travaux de la DAFA et ceux de mes prédécesseurs, notamment Roland Besenval, ont permis de trouver pas loin du Balaïssar de Bactre, en fait, à un endroit qu'on appelle Tepe Zargaran, en fait, les éléments, effectivement, de cette civilisation grecque, à travers des colonnes, des éléments architecturaux trouvés dans la fouille. Et malheureusement, encore une fois, avant ça, en fait, pas les pilleurs, en fait. Petite anecdote aussi, quelque part, en fait, Fouché voulait travailler à cet endroit aussi, en fait. Et par manque de temps, il faut savoir qu'il est resté quand même plus d'un an, en fait, à fouiller à Bactre à l'époque. Il est tombé malade et il a failli même perdre la vie, paraît-il. Il a dû partir, mais dans ses plans, Tepe Zargaran était en fait un endroit où il voulait effectivement y travailler. Alors ça a été un peu un endroit, quelque part, je me permette, maudit, car Daniel Schlumberger, qui est arrivé après, donc après la guerre, directeur de la DAFA également, a travaillé, mais encore une fois, les gens qui y travaillaient sont tombés malades et ils ont dû rentrer, donc ils ne sont pas était assez profond pour retrouver ces traces. Les dures conditions de l'archéologue orientaliste. Aujourd'hui, il faut organiser des grandes fouilles à Bactre, si c'était possible, pour réellement retrouver cette ville hellénistique. On se rend compte tout de même que ces traces sont assez profondes. Hein. Donc à Tepe Zargaran, il faut descendre au moins à 20 mètres pour commencer à trouver six traces il y a, en sachant que c'est quand même des éléments qui ont été rapportés en fait à Tepe Zargaran. Donc il doit y avoir des structures quelque part, mais malheureusement on ne connaît pas encore leur emplacement d'origine. Difficile à dire ce qui donnera la suite effectivement pour les travaux à Bactre, mais effectivement ça serait un des projets à suivre et à continuer dans les années à venir pour la DAFA. Vous fouillez aussi et vous travaillez aussi sur un site monastique non loin de Kaboul. Oui, on travaille. En fait, la DAFA actuellement a plusieurs champs, je dirais, de recherche qui vont de la protohistoire à l'époque médiévale. Donc, l'époque médiévale étant justement traitée dans nos fouilles de Bamiyan et d'Herat. Et l'époque protohistorique, dans toutes les fouilles en fait qu'on fait actuellement et au nord, autour de Mazar-i-Sharif, et le site de Balkh, le site du Balaïssar, le site de Chechmechafa, et effectivement à Kaboul, on fouille un site bouddhique. En fait, on fouille. C'est plutôt Zafar Peyman en fait qui fouille cet endroit et qu'on essaye d'aider, car cet archéologue franco-afghan que je tiens à saluer aussi par son travail et son mérite forme des étudiants et des archéologues sur place en fait de l'université de Kaboul. Donc c'est une fouille qui sert, qui a un double sens dans tous les sens du terme. Rouli Bendezou, juste pour conclure, vous fouillez aussi hors de l'Afghanistan, notamment en Ouzbékistan ou au Turkménistan, l'occasion d'évoquer la fouille d'Uluk Tepe, la cité perdue d'Asie centrale? Oui, fort heureusement, depuis la réouverture de la DAFA, on a une compétence régionale beaucoup plus vaste qui englobe actuellement l'Asie centrale, donc tous les ex-pays soviétiques, une partie du Pakistan, une partie de la Chine. On peut pas tout faire. Mais moi, ayant travaillé effectivement en Asie centrale avant d'arriver à Kaboul, j'ai en fait continué un petit peu mes recherches en Ouzbékistan, donc le fameux site de Jalkoutan, qui est un site proto-historique très important, en fait le deuxième sans aucun doute après Gonour Dépé au Turkménistan. Et au Turkménistan, effectivement, j'ai continué le travail commencé par la mission archéologique franco-turmaine dirigée par mon grand ami Olivier Lecomte, que je salue énormément encore, sur le site de Uluk Tepe. Site très important, en fait, proto-historique, très important par sa taille, par sa dimension, en fait, et sa situation. Entre Altyn Tepe et Namazgâ Tepe, un site où la stratigraphie va au moins depuis le néolithique jusqu'aux périodes récentes dites achéménides. Julio Benguizu Sarmento, merci beaucoup. Je rappelle que Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Claude Niort, avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site de franceculture.fr, où vous retrouvez plus de 300 archives de l'émission sur le site inra.fr.